trace le sable, les yeux pleins du soleil, des corps des demoiselles, du caresse avec l'esprit, le dos d'une d'entre elles, sans à l'heure sur ligne droite, direction l'horizon, là où se couche le jour, et se réveille la passion. Amour se vit.